Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Et comme je vous ai dit tout au long de l'émission, on a Alexandre Desilets présentement qui va être en spectacle ce soir. Allô Alexandre? Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien vous autres? Oui, ça va super bien. Alors, ce soir, tu es en spectacle à Trois-Rivières, donc on voulait te parler un peu. Ça fait quand même un petit bout de temps que tu es dans le monde de la musique. Depuis 1998, tu as fait partie du groupe Funami et maintenant tu es en solo. Est-ce que ton approche face à la musique ou à l'écriture a changé depuis tes débuts? Énormément. Écoute, au fil des années avec les collaborations, c'est sûr qu'on apprend énormément, là. Que par exemple en studio, j'ai fait énormément de chemin en écriture de chansons, en composition, aussi sur scène. Ça fait une grosse différence, un 10, 12, 13 ans de métier, là. Et on a vu aussi la différence entre les deux albums. Ton premier album, Escalade l'ivresse, est sorti en 2008 et La Garde est sorti en octobre 2010. Et c'est, comme tout le monde le dit, c'est plus rythmé, plus de tendance pop et électro. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux albums? Ben, pour moi, c'est comme une évolution logique. C'est drôle parce que tout le monde parle d'électro, mais sur l'album, comme tel, il y a très peu d'électro, en fait. C'est beaucoup des sons organiques, là. Tu sais, la plupart des drums, c'est juste qu'au lieu d'utiliser un drum ordinaire, on a utilisé des claps. Je tape sur mes cuisses, je tape dans mes mains, tout ça. Tu sais. Puis à la plupart des sons qu'on croit être des synthés, souvent, c'est des guitares. Donc, il y a pas tant d'électro que ça. Fait que c'est comme... Alors, je pense que c'est l'évolution naturelle. Moi, avec Escalade l'ivresse, je l'avais choisi des arrangements. J'avais emprunté, si on veut, l'espèce de signature du rock alternatif. Parce que je trouvais que c'était ce genre de texture-là qui s'apprêtait bien au genre de mélodie puis de structure de chanson, voire de paroles que j'amenais pour le premier album. Donc, avec le réalisateur, on a fait ce choix-là artistique de faire ça rock alternatif. Fait que quand on est arrivé, je suis arrivé avec différentes maquettes, puis c'était des structures plus resserrées puis des mélodies un petit peu plus pop. Donc, on sentait que le rock alternatif marcherait pas trop avec ça parce que ça allait nous donner une espèce de son de pop-rock bonbon, puis c'est pas ça qu'on voulait. Fait qu'on a voulu faire une pop, oui, mais une genre de pop plus éclatée. Donc, on s'est inspiré un peu de trucs qui se font à Brooklyn, tu sais, à New York, tout ça. Ouais. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de groupes dans les dernières années qui ont fait ce virage-là, justement, parce qu'il y a un petit peu une baisse de ce qui est le rock alternatif. Fait que toutes les bandes et les groupes se sont réinventés dans une espèce de pop un peu plus raffiné, déglingué, là. Puis c'est ce qu'on a essayé de faire avec La Garde. Oui, c'est vrai que le pop commence à regagner en popularité. Le pop avait été assez populaire, surtout d'une façon commerciale. C'était assez un peu mal vu de l'indie. Mais maintenant, ça regagne assez en popularité. Donc, toi, ça a marché, du moins, avec La Garde. Et durant ton album, tu as travaillé avec Mathieu Leclerc et il a habité chez toi pendant le processus de création. Pour quelles raisons vous avez décidé de faire ça? Ben, il a pas habité comme tel. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est des... C'est comme une balle perdue, ça, quand tu fais des entrevues avec les journalistes. Ce que j'avais dit aux journalistes, en fait, c'est que Mathieu passait chez moi, venait chez moi carrément chaque jour pendant une période de 3-4 mois. Là. C'est comme ça que ça s'écrit, selon moi, des chansons. Je sais que j'ai déjà vu des auteurs-compositeurs que les autres vont dans un chalet puis ils pondent ça en deux semaines. Puis ça, c'est leur façon de faire. Moi, je suis incapable de sortir 14 chansons en deux semaines. Puis je trouve que toutes les chansons finissent par parler du même thème. Puis souvent, ça finit par parler du thème du gars qui s'en va dans le bois puis qui est allé de la ville. Là. Fait qu'on voulait pas ça. Fait qu'on s'est dit, ben regarde, on va le vivre au quotidien. Alors, tu passes chez moi, là, quand ça te tente, à n'importe quelle heure de la journée, moi, je suis là à la maison en train d'écrire de toute façon. Fait qu'il passait un peu comme Mr. Dress-up, là, qui arrive puis qui cogne à la porte. Là, tu ouvres la porte, tiens, Mathieu Leclerc. Puis là, on faisait un peu de travail ensemble comme ça. Fait que au fil du temps, à un moment donné, on a trouvé nos thèmes, puis notre espèce de trame narrative de base sur laquelle on s'est vraiment basé pour écrire tous les textes, pour justement s'assurer qu'on n'a pas de répétition dans les tunes, puis qu'on parle pas toujours de la même affaire, puis qu'on est structuré dans notre écriture. OK. Puis aussi, à part de tes deux albums, tu as travaillé sur deux trames sonores, Le baiser du barbu et Tromper le silence. Ça s'est passé comment? Quelqu'un t'a approché? C'est une longue histoire, mais je te dirais que tu sais, je peux te parler par exemple de la façon que je travaillais un peu pour le baiser du barbu. Moi, ma job, c'était de sortir des thèmes mélodiques forts qui allaient pouvoir être appliqués à plusieurs plusieurs scènes, si on veut. Donc, un peu comme dans Schindler's List, hein, c'est dur à dire ça. La liste de Schindler, mais c'est un espèce de thème principal puis qui est utilisé tantôt triste, tantôt un peu plus joyeux, tout ça. Là. Donc, c'est un peu ça que j'avais à faire, moi. Puis, il fallait que ces thèmes-là soient assez passe-partout pour que, si jamais on veut en faire une chanson, ça peut servir de couplet ou de refrain ou de solo, tu comprends? Donc, je devais composer. C'est comme j'ai séparé mon cerveau en deux. C'est comme il fallait que le thème puisse être joué par un violon puis être super grandiose, cinématographique, mais en même temps, savoir que ce thème-là, si je mets des paroles dessus, je peux faire une chanson avec. Puis c'est ça, en fait, qui est arrivé. Il y a une des pièces, j'ai demandé la permission pour utiliser le thème, puis je m'en suis servi pour faire la pièce « À pas de géant » sur l'album. C'est bon. Puis est-ce que tu as d'autres... C'est le cas du baiser du barbu, puis c'est ça. L'autre film que j'ai fait, c'est carrément une autre approche. C'était plus des ambiances. C'était pas un film qui nécessitait énormément de musique. Donc. Est-ce que tu as d'autres projets dans le même genre, dans le futur? Ben oui, mais là, je suis en train de concocter toutes sortes de petites idées. Là, je vais commencer à travailler avec des musiciens de jazz. On veut s'en aller dans une espèce de direction un peu comme Brad Meldew le faisait avec les pièces de Radiohead que lui reprenait au piano. Je vais faire la même chose avec des musiciens de jazz, avec mes chansons à moi. Un autre truc que je veux faire, je commence à travailler avec des musiciens classiques aussi. On sait pas encore quelle direction ça va prendre. On fait un truc guitare classique et voix classique. Okay. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi, je collabore beaucoup avec un musicien électronique en ce moment qui s'appelle Akido, qui est vraiment, c'est à découvrir, allez voir ça sur Internet. On peut télécharger l'album gratuitement. Donc, c'est vraiment un album qui était super bien coté. Ça fait je pense qu'il est rendu à son troisième ou quatrième album. C'est vraiment, vraiment cool. Fait qu'on fait des trucs ensemble. Kim Gabouri de Akido et moi-même. Donc, t'es pas mal occupé à ce que je peux voir. C'est assez intense. Ben, ça roule, mais tu sais, ça nous tient occupés, là. Et tu parlais de Akido. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui t'inspirent ou que t'écoutes ces temps-ci que tu pourrais nous faire découvrir? Voilà, ça, c'est une bonne question. Ben, tu sais, pourquoi pas, il y a mon bassiste qui est justement qui est remplacé aujourd'hui au spectacle. J'ai un sub parce que mon bassiste fait partie de la formation Monogrenade, puis ils ont leur lancement à Montréal ce soir. Donc tous mes amis vont être là. J'ai eu en entrevue justement la semaine passée. Bon, ben faites-en jouer des tunes, c'est très bon ce qu'ils font. Sinon, moi, la semaine passée, moi, un peu en retard sur tout le monde, j'ai découvert une tune de MGMT. Je pense que c'est comme, ça veut dire management, là, mais en tout cas, une bonne tune de MGMT, ça s'appelle Time to Pretend. J'ai vraiment apprécié sur cette tune-là, j'ai écouté en boucle toute la semaine passée. Oui, on en fait quand même jouer du MGMT, c'est super bon. Ouais, c'est cool. À part la musique, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent, théâtre, cinéma, etc.? Je suis comme quelqu'un, tu sais, que j'ai mes trips, j'ai mes phases. Des fois, je vais avoir une phase que je vais voir toutes des shows de danse, ou des fois, je vais voir des spectacles, tu sais, des trucs de mode, là, tu sais. Mais ce qui décroche comme jamais, là, pour moi, c'est ce qui me fait tripper, c'est la photographie beaucoup, puis le cinéma. J'en fais pas, mais j'en consomme beaucoup. Puis je suis du genre à pas me rappeler le nom des acteurs, même le nom du film, mais j'y vais souvent, puis j'y vais juste pour décrocher puis aller chercher de l'inspiration. Je trouve que en imagerie, tu peux faire beaucoup, puis ça inspire beaucoup pour les textes. Donc moi, c'est un peu mon puits, là, puis je vais puiser là-dedans assez souvent. Et finalement, si tu pouvais travailler avec n'importe quel artiste, peu importe qui, avec qui tu rêverais de travailler, ce serait qui? C'est le genre de questions, faut que tu y penses pendant un bout, mais juste spontanément comme ça, je sais que il y a des gens à Montréal qui de ce temps-ci qui m'ont fait triper. Il y a les Barr Brothers qui font une espèce de blues plus américain. Je pense que c'est des gars de Boston. Puis c'est des gars qui côtoient un peu toute la gang de Patrick Watson, tout ça à Montréal. Puis c'est des très très bons musiciens. Si j'avais à faire un projet plus blues, ça serait vraiment de travailler avec des gars comme ça. Allez voir ça sur Internet, les Barr Brothers, c'est B-A-R-R. Donc, puis sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Jordan Officer, que j'ai écouté beaucoup dernièrement aussi, qui fait une espèce de jazz, je sais pas trop, ragtime, juste pour me décrire, là, mais c'est super intéressant. Puis sinon, si je fais de quoi de farfelu, je pense que collaboration avec Rage Against the Machine, pourquoi pas? Ah, Ça, ça serait spécial, je pense. Ça pourrait je pense que mon band préféré, là, ça, je trouve que ça torche au bout de ce qu'ils font, mais j'ai pas la voix pantoute pour ça, puis ils me traiteraient de fif avec la voix que j'ai, là, puis ça marcherait pas pantoute, là, mais si je pouvais les attacher, là, puis les forcer à travailler avec moi, là, ça serait eux autres, là. Ça serait assez intéressant. Donc, ce soir, tu es en spectacle à Trois-Rivières, salle Anaïs Allard Rousseau à 20h. Et pour terminer l'entrevue, tu peux choisir n'importe quelle pièce de ton album La Garde. On va faire jouer celle que tu veux. OK. Allez-y donc pour J'oublierai, juste pour faire changement. J'oublierai, parfait. Alors, on écoute ça et on va te voir ce soir, salle Anaïs Allard Rousseau, à 20h. Alors, merci beaucoup. Ça marche, merci à toi. Bye-bye. Traverser ce qui s'est